Le représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU a adressé le 23 mai une lettre au secrétaire général de l'ONU. Il écrit notamment « Les résolutions de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU qualifiant de menaces contre la paix et la sécurité internationale, les essais nucléaires et le lancement des satellites à des fins pacifiques de la République populaire démocratique de Corée contiennent des contradictions juridiques sérieuses. À ce propos, je demande le point de vue du secrétaire général de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 1718 en 2006 relativement au premier essai nucléaire, la résolution 1874 en 2009 après le deuxième essai nucléaire, la résolution 2094 en 2013 à la suite du troisième essai nucléaire, ainsi que la résolution 2270 en 2016 après le premier essai de la bombe à hydrogène. Le problème, c'est que l'article 9 de l'introduction et l'article 1er du texte de la résolution 1718 de 2006, l'article 8 de l'introduction de la résolution 1874 de 2009, l'article 7 de l'introduction de la résolution 2094 de 2013 et l'article 11 de l'introduction de la résolution 2270 de 2016 qualifient notre essai nucléaire et notre lancement de satellites de menaces contre la paix et la sécurité internationale. À ce propos, je pose les questions suivantes. Primons, quel est le motif juridique de la définition de nos essais nucléaires, lancement de satellites et de fusées balistiques comme menace à la paix et à la sécurité internationale par les résolutions de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la République populaire démocratique de Corée? Il n'y a aucun article de la Charte de l'ONU, des résolutions déjà existantes de l'Assemblée générale de l'ONU, du traité d'interdiction globale des essais nucléaires, du traité de non-prolifération des armes nucléaires, du traité du cosmos et d'autres droits internationaux concernés qui qualifient les essais nucléaires de menaces contre la paix et la sécurité internationale. Secondant, si les essais nucléaires et le lancement des satellites et des fusées balistiques constituent une menace contre la paix et la sécurité internationale, pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU n'a jamais mis en cause ni pris des mesures de sanctions contre plus de 2000 essais nucléaires et lancements de satellites et de fusées balistiques effectués par les États-Unis et les autres pays? Tertio, s'il n'y a pas de l'éclaircissement juridique persuasif vis-à-vis des questions susmentionnées, on considérera que le Conseil de sécurité de l'ONU a abusé de fonctions en violant l'article 39 du 7e chapitre de la Charte de l'ONU, invitant à décider avant tout l'existence ou non de la menace contre la paix et la stabilité internationale avant de prendre des mesures de sanctions, et qu'il a commis l'acte de double norme sans l'équité, vitale pour l'institution internationale. J'espère des réponses juridiques du secrétariat de l'ONU.